Oracle. Dieu a parlé dans le passé à travers les prophètes. Aujourd'hui encore, il continue à parler à travers ses serviteurs qu'il a oints. Écoutez les oracles du Seigneur. L'importance de nous garder des faux prophètes, c'est le thème que nous donne le pasteur Paul Mbunga Mpendi de la mission Afrique pour Christ. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Dans plusieurs régions du monde, surtout en Afrique centrale, le christianisme est devenu la religion populaire. Au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, en Angola, au Cameroun, au Rwanda, au Burundi, au Gabon, dans tous ces pays, presque tout le monde va à l'église. Dans ces pays, les églises poussent comme des champignons. Il est courant de trouver des lieux de prière minuscules construits en chaume ou en tôle à chaque coin de rue. D'aucuns, surtout les optimistes, diront que le christianisme a un avenir certain en Afrique. Nous devons sûrement louer le Seigneur pour l'ouverture de nos masses à l'évangile de Jésus-Christ. Mais signalons aussi le fait qu'avec la multiplication de communautés chrétiennes, souvent d'une manière anarchique, vient aussi la multiplication des vocations pastorales. Aujourd'hui, dans les pays fortement christianisés d'Afrique centrale surtout, presque tout le monde est pasteur, évangéliste, prophète ou apôtre. Avec la multiplication des pasteurs et prophètes vient aussi l'œuvre du diable. En effet, le diable n'est jamais en vacances ou en chômage. Pour nuire au bon développement du corps du Christ, le diable suscite des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes, des faux apôtres qui se mêlent aux vrais pasteurs, aux vrais évangélistes, aux vrais prophètes, aux vrais apôtres, pour semer la confusion dans l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impératif de nous garder des faux prophètes. Gardons-nous des faux prophètes, et nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vu qu'il y a une sorte de pullulement des pasteurs, évangélistes, prophètes et apôtres qui tous crient du matin au soir le nom de Jésus-Christ, comment pouvons-nous distinguer les vrais pasteurs de faux, les vrais évangélistes de faux, les vrais apôtres de faux? Tous ces pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, tous y prêchent bien. Plusieurs d'entre eux font même des miracles. Comment alors distinguer entre les vrais et les faux? En d'autres termes, comment savoir si le pasteur, l'évangéliste, le prophète ou l'apôtre qui nous impressionne par son talent oratoire et ses vaticinations est un vrai serviteur ou servante de Dieu, ou au contraire s'il est un faux, un bandit ecclésiastique qu'il faut démasquer et foutre dehors? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20, le Seigneur Jésus-Christ dit les paroles suivantes. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. » Matthieu 7, 15 à 20. L'enseignement de Jésus sur les faux prophètes ou les faux pasteurs ou évangélistes commence par une sorte de mise en garde. Il dit à ses disciples de faire attention, de prendre garde, d'être aux aguets. Pourquoi? parce que les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes, les faux apôtres ont tous un élément en commun. Ils ne viennent jamais à découvert. Ils viennent toujours cachés, déguisés en brebis, l'animal le plus paisible et inoffensif de la planète. Les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu, qui sont des loups, ne viennent pas vers nous avec leurs dents et griffes dehors. Au contraire, ils viennent vers nous déguisés en brebis, le sourire et le visage radieux. Ils ressemblent souvent à des vrais anges qui jamais ne se fâchent. Toujours, ils ont une parole douce, un encouragement à donner à ceux qui sont affaiblis. Toujours volontaires, jamais fatigués, jamais refusant quoi que ce soit aux nécessités qui remplissent nos églises. En vérité, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux apôtres, à première vue, nous paraissent comme la vraie matérialisation de la charité chrétienne. Alors, comment pouvons-nous, sans paraître jaloux, méchants et lunatiques, débusquer ces ouvriers des ténèbres avant qu'ils ne corrompent et détruisent nos assemblées chrétiennes? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de faire très attention, de faire attention aux œuvres, aux fruits produits par ses serviteurs et servantes par excellence. À première vue, les œuvres, le fruit produit par ses serviteurs paraissent normaux, mais quand nous les observons de très près, nous remarquons que leurs œuvres, le fruit qu'ils produisent, sont des fruits pourris. C'est parce que celles-ci viennent de leur cœur et de leur nature corrompue. N'oublions pas, les faux prophètes et faux pasteurs, bien qu'ils se présentent comme des brebis, ne sont en réalité que des loups. En effet, pendant longtemps, peut un loup sourire sans faire voir ses dents effilées? Pendant combien de temps peut un loup adopter un ton doux quand à l'intérieur de lui gronde sa violence et sa méchanceté? Pour nous permettre de démasquer les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes et les faux apôtres, le Seigneur nous demande de diriger tous nos regards sur la constance de leurs actions. En effet, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais pasteurs, les vrais évangélistes, les vrais prophètes et apôtres, malgré le fait qu'ils soient humains, donc faillibles, tous ils démontrent une constance dans leur crainte du Seigneur et leur vie loin de péché que nous appelons du péché grave. Non, les bons pasteurs, malgré leur faiblesse, ne tombent jamais dans des péchés qui détruisent leur honneur et l'honneur du Christ. Certes, il y a des péchés dans lesquels les enfants de Dieu véritablement nés de nouveau, obéissant à leur Père Céleste, vigilant dans leur marche spirituelle quotidienne, doivent obligatoirement éviter, nous le savons. Nous donnons ici une liste de 5 péchés qui sont des signes qui nous permettent de savoir si le pasteur ou le serviteur de Dieu qui se trouve devant nous est en faux. Si nous remarquons que le serviteur ou la servante de Dieu en question souffre d'une manière constante, c'est-à-dire continue, d'au moins un de ses péchés, nous saurons que ce dernier ou cette dernière est en faux. Certainement, la liste des péchés que nous allons donner n'est pas exhaustive, mais ces péchés sont les plus flagrants et ne peuvent aller ensemble avec le ministère pastoral. Il est aussi important de signaler que tout chrétien, même le vrai serviteur de Dieu, peuvent tomber dans le péché que nous allons énumérer. Mais si le pasteur en question vit dans ce péché, c'est-à-dire si ce péché fait partie de son mode de vie et qu'au lieu de s'en repentir, au contraire, il s'endurcit et fait tout pour le cacher ou s'en défendre, alors nous saurons que ce serviteur ou ce servante de Dieu est un faux. Il est aussi important de signaler le fait que plusieurs des serviteurs de Dieu qui sont devenus des faux serviteurs avaient commencé comme vrais serviteurs de Dieu. Mais avec l'habitude du péché et l'endurcissement qui en découle, ils sont devenus des faux serviteurs. Il est aussi important de mentionner le fait qu'un faux serviteur de Dieu qui se répand de son péché et fait confiance en la grâce divine pour marcher dans l'obéissance peut redevenir un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas que si un faux serviteur de Dieu se repent, il ne pourra pas être pardonné. Non, Dieu pardonne toujours. Donc, il est possible que celui qui est un faux serviteur de Dieu aujourd'hui puisse redevenir un vrai serviteur de Dieu. Et il est possible que celui qui est aujourd'hui un vrai serviteur de Dieu devienne demain un faux serviteur parce qu'il laisserait le mauvais fruit, les mauvaises œuvres contrôler et dominer sa vie et son ministère. Alors, nous allons parler des marques caractéristiques des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes. Et les péchés qui endurcissent leur vie et qui contrôlent leur vie et leur ministère. D'abord, c'est le péché de la culpabilité. Ensuite, deuxièmement, c'est le péché de l'extravagance matérielle. Et puis, troisièmement, c'est le péché de l'arrogance et l'orgueil spirituel. Et puis, quatrièmement, c'est le péché du pouvoir, la soif du pouvoir. Et puis, cinquièmement, c'est le péché de l'infidélité conjugale ou encore le péché sexuel. Et sixièmement, c'est le péché du mensonge constant. Un pasteur qui ment comme il respire. Et puis, septièmement, c'est le péché de l'hérésie, à savoir l'enseignement de l'erreur théologique. Quand un pasteur commence à prêcher des faussetés parce qu'il veut voler l'argent des gens ou encore parce qu'il est tout simplement dominé par l'esprit du mensonge, alors nous saurons que nous sommes en présence d'un faux serviteur de Dieu. Alors, commençons ou encore nous allons nous arrêter ici aujourd'hui parce que je ne vais pas commencer à détailler ces choses parce que nous allons, Dieu voulant, le faire dans notre émission prochaine. Donc, nous avions dit que les faux serviteurs de Dieu sont caractérisés par des péchés spécifiques qui contrôlent leur vie et détruisent leur ministère. La cupidité, l'extravagance matérielle, l'arrogance et l'orgueil spirituel, la soif du pouvoir, l'infidélité conjugale, et puis on va encore voir le mensonge, et puis finalement l'hérésie, à savoir les erreurs doctrinales qui enfonce le chrétien dans les fautes. Donc, je demande à nos auditeurs et auditrices d'être fidèles à notre émission prochaine. Par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer toutes ces choses qui caractérisent les faux serviteurs et les fausses servantes de Dieu. Alors, que le Seigneur nous garde dans l'humilité et dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, que notre Dieu vous fasse du bien. Nous continuons à parler sur Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, qui nous dit « Gardons-nous des faux prophètes ». Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans cette parole « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais aux dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur le chardon? Tout bon arbre produit porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Nous allons aller petit à petit sur la liste de ces mauvais fruits qui représentent la vie du faux serviteur ou de la fausse servante de Dieu. Alors, nous allons parler de la cupidité. La première chose, la première marque d'un faux serviteur de Dieu. Nous ne disons pas que les serviteurs de Dieu doivent être parfaits, non. Mais quand la cupidité domine la vie et le ministère d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, alors ce serviteur devient un faux serviteur. C'est très important. Alors, parlons de la cupidité comme une marque caractéristique du faux pasteur ou du faux évangéliste ou encore du faux serviteur de Dieu. Il est clair que nous tous avons besoin d'argent et des biens matériels pour vivre une vie agréable. Mais la cupidité est un vice Elle est un défaut qui consiste à chercher par tous les moyens, même les moyens malhonnêtes, à gagner de l'argent, à amasser de l'argent. Par définition, une personne cupide n'est jamais satisfaite parce qu'elle a plutôt. La personne qui est cupide cherche toujours à avoir plus par n'importe quel moyen. Chers frères et sœurs, observons nos pasteurs et chefs d'église. Sont-ils des personnes satisfaites avec ce qu'ils gagnent, ou encore ce qu'elles gagnent, si ce sont des personnes? S'ils ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils gagnent, que font-ils pour gagner plus? Travaillent-ils de leurs propres mains pour améliorer leurs conditions de vie sans nuire à leur famille et ministère? Ou au contraire, s'engagent-ils dans des comportements moralement douteux pour gagner plus d'argent? Est-ce que ton pasteur force-t-il la main de tout le monde à donner les offrandes et dîmes pour que lui puisse les gagner? Est-ce que le pasteur menace-t-il indirectement l'assemblée de Dieu avec des versets bibliques pour pousser les gens à donner davantage? Le fait-il d'une manière exagérée, sans qu'il n'en éprouve la honte? Le fait-il constamment? Si oui, nous pouvons déjà savoir que nous avons affaire à un faux serviteur de Dieu qui est là seulement pour nous vider les poches. Ceci est très important. Certes, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Certes, la Bible dit que le pasteur et les serviteurs et servantes de Dieu doivent être pris en charge par leur Église. Ça, c'est vrai. Mais cela ne dit pas que le pasteur doit nous rançonner, doit nous obliger à donner de l'argent à Dieu. Un pasteur qui passe tout son temps à pousser, à intimider, à faire honte aux membres de l'Église afin qu'ils donnent plus et plus encore et plus encore et plus encore, celui-là a déjà perdu le chemin de Dieu. Il est gagné par la cupidité. Serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, moi-même je suis pasteur, vous savez, la cupidité est facile, on veut toujours avoir plus. Mais notre Dieu est fidèle, nous n'avons pas besoin d'être cupides. Dieu est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, malgré les circonstances et les difficultés de la vie. Laissez la cupidité nous dominer, c'est détruire notre relation personnelle avec Dieu. Mais c'est surtout détruire l'Église de Dieu. Ça fait honte quand un pasteur se fait quémandeur, quand il est là toujours à pousser les gens à donner, à donner, à donner. Ça fait honte. Vous voyez, moi, ça me fait honte. Parfois, j'ai honte qu'on m'appelle pasteur, parce que souvent, les pasteurs sont considérés comme des voleurs, des cupides, des gens qui n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes. Non. Ne soyons pas cupides. Le serviteur de Dieu doit être un homme modèle. Il ne doit pas être dominé par l'amour de l'argent. Il ne doit pas chercher toujours à vider les poches des autres. Non. La cupidité, quand tu vois ton pasteur, qu'il court de droite à gauche pour avoir de l'argent, pour avoir ceci et cela, c'est qu'il est un faux. Et on n'a pas honte de le dire. Les faux pasteurs pullulent. Ils sont nombreux dans nos villes et villages. Si toi qui m'écoutes, tu es pasteur et tu es dominé par la cupidité, il est temps que tu puisses te repentir. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs et servantes. La cupidité ne te fera pas devenir riche. Elle va détruire ta vie et ton ministère. Alors, il est encore une faute. Et une sorte de caractéristique se trouve dans la vie et le ministère des faux pasteurs et serviteurs de Dieu, c'est l'extravagance matérielle. C'est donc un autre défaut à observer dans la vie des faux serviteurs de Dieu, c'est l'extravagance, comme je le disais. Comment vit ton pasteur? Comment est-ce que ton pasteur dépense-t-il l'argent que l'Église lui donne et qu'il le paye? Est-ce que ton pasteur, même s'il gagne son argent lui-même, est-ce qu'il est extravagant? L'extravagance matérielle, c'est le défaut moral qui consiste à dépenser de l'argent d'une manière qui sorte des limites du bon sens, de ce qui est raisonnable. Celui qui est extravagant matériellement dépense son argent d'une manière exagérée et excessive. Regardez votre pasteur, par exemple. Utilise-t-il son argent de manière raisonnable ou au contraire, le dépense-t-il d'une manière exagérée et excessive? Comment, par exemple, votre pasteur s'habille-t-il? S'habille-t-il d'une manière convenable ou au contraire, s'habille-t-il d'une manière exagérée et excessive? Nous ne disons pas que les vrais serviteurs de Dieu sont ceux qui s'habillent en lambeaux. Non! Les vrais serviteurs de Dieu doivent s'habiller d'une manière bonne et décente. Mais les faux serviteurs de Dieu sont marqués par l'extravagance matérielle. Quand ils s'habillent, ils cherchent des habits pimpants et coûteux qui attirent l'attention sur eux. Leurs bras et cous sont remplis de bracelets et bijoux en or. Ils portent des téléphones portables et chromés qu'ils exhibent devant tout le monde, laissent ouverts pendant le culte et qui sonnent pendant qu'ils prêchent. Ils suspendent même leurs prédications pour répondre à leurs appels téléphoniques plus importants que le message de Dieu. Des pasteurs qui se vantent, « Mais attention, moi je m'habille en direct de Paris, de je ne sais pas quelle autre ville européenne. » Pourquoi mentionner ce genre de choses dans tes prédications? Les griffes que tu portes? L'extravagance matérielle. Les serviteurs et servantes de Dieu qui vivent dans l'extravagance matérielle ne s'inquiètent pas de la façon dont ils dépensent l'argent des membres, des offrandes, des dîmes. Ils ont certainement besoin des moyens de transport. Mais quelle sorte de véhicule choisissent-ils? Ils choisissent le véhicule le plus cher. Les mêmes véhicules que les hommes les plus riches de la ville conduisent, eux aussi doivent le conduire. Mais avec l'argent de qui? L'argent des membres de l'Église. Eux aussi veulent être comptés parmi les riches de leur ville. Ils dépensent sans contrôle l'argent de Dieu que les membres de l'Église qui sont pauvres donnent à Dieu d'une manière sacrificielle. Un pasteur qui agit de la sorte, non pas une fois, mais toujours est un faux serviteur de Dieu. C'est la sueur des membres de son église que lui est en train de jouer avec. Certainement, nous ne demandons pas aux membres de l'église à faire la guerre à leur pasteur, non. Il faut les respecter, mais au moins, il ne faut pas ou encore jamais plus se laisser dévaliser par ces faux serviteurs et fausses servantes de Dieu qui viennent nous arracher l'argent que nous gagnons difficilement pour aller s'acheter des habits à Paris ou encore s'acheter des voitures de luxe que nous achetons pour eux avec notre argent et que eux se pavanent dans la ville pour faire voir à tout le monde comment Dieu les a bénis avec l'argent des autres. Quelle honte pour le nom de notre Dieu. Les faux serviteurs et servantes de Dieu qui prennent l'argent de la sueur des membres de l'Église pour aller jouer avec en achetant des habits, des véhicules, des appareils, des gadgets pour leur propre plaisir et pour la honte de l'Église de Dieu. Toi, pasteur qui m'écoute, je ne te demande pas à t'habiller, de t'habiller en lambeaux, mais est-ce que tu joues avec l'argent du membre de l'Église? Tu veux qu'on augmente ton salaire chaque jour parce que tu as besoin d'acheter ceci et cela, parce que tu as vu un autre pasteur avec ceci et cela, toi aussi tu veux, et tu viens déranger les membres de l'Église chaque jour en demandant beaucoup plus d'argent. C'est la honte de l'Évangile, la honte du nom de Dieu. Et comme l'apôtre Paul nous le dit dans Romains, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations, les païens. Toi qui m'écoutes, toi qui es serviteur de Dieu, servante de Dieu, est-ce que tu utilises l'Évangile comme un moyen pour prendre l'argent de la sueur des gens, pour que toi tu joues avec Allah, acheter des bijoux et des habits et des véhicules et de tout? En fait, contre les serviteurs et servantes des dieux cupides, gagnés par l'extravagance matérielle. L'apôtre Paul fait l'avertissement suivant. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Chers bien-aimés, vous écoutez ce que Dieu nous dit. Au lieu de la cupidité, au lieu de l'extravagance, au lieu de voler l'argent des membres de l'Église, l'apôtre Paul nous dit, pour nous qui sommes hommes de Dieu, nous devons fuir l'extravagance matérielle, nous devons fuir la cupidité. Et à la place de la cupidité, nous devons rechercher la justice, la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la foi, la charité, la patience, la douceur. Vous voyez, nos églises sont détruites par des pasteurs, par des serviteurs et servantes qui sont gagnés par l'amour de l'argent. Le faux prophète est toujours à la recherche de quelque chose de matériel. Même quand il prêche, il cherche à voir qui, parmi les membres de l'Église, peut me donner ceci et peut me donner cela. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un pasteur qui est gagné par l'amour de l'argent est sur le chemin de devenir un faux pasteur, un mauvais serviteur de Dieu, une mauvaise servante de Dieu. Donc, voyez, il est des péchés qu'il ne faut jamais commettre en tant que serviteur de Dieu. Et nous avions parlé de la cupidité et nous venons de parler de l'extravagance matérielle. Mais il y a encore un péché grave quand il domine la vie d'un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu se tourne en faux serviteur, en faux pasteur, en faux prophète, en faux prêtre, je ne sais pas qui et quoi. Ce troisième péché, c'est l'arrogance et l'orgueil spirituel. C'est l'arrogance et l'orgueil spirituel deviennent des marques caractéristiques d'un faux serviteur de Dieu, d'une fausse servante de Dieu. Chers bien-aimés, nous savons tous que le ministère pastoral est un ministère de service. Les serviteurs de Dieu sont appelés serviteurs parce qu'ils sont là pour servir le peuple de Dieu à l'image de Jésus-Christ qui a servi le monde en donnant sa vie. Les vrais serviteurs de Dieu sont caractérisés par l'humilité et le respect des autres. Mais les faux serviteurs de Dieu, comme ils sont des loups et non des agneaux, ils sont caractérisés par l'arrogance. Par définition, une personne arrogante, c'est une personne qui manifeste une insolence méprisante dans ses relations avec les autres. Chers frères et sœurs en Christ, plusieurs pasteurs qui sourient tout le temps quand ils sont en public agissent souvent de manière arrogante et insolente quand ils sont seuls avec leurs collaborateurs et collaboratrices. Toi, mon frère et ma sœur qui travaille avec ce grand homme de Dieu, qu'est ton pasteur ou ton apôtre? Peux-tu vraiment dire qu'il est une bonne personne? Comment est-ce que ton pasteur traite-t-il ses collaborateurs et collaboratrices? Les respecte-t-il ou au contraire, est-il insolent et méprisant dans la façon dont il leur répond? Toi, maman pasteur, es-tu marié à un vrai pasteur ou au contraire, es-tu marié à un faux pasteur qui est arrogant, qui ne te respecte pas du tout et qui te méprise tout le temps? À l'arrogance cachée du pasteur se mêle souvent l'orgueil spirituel. Plusieurs faux pasteurs et évangélistes sont, à vrai dire, de grands prédicateurs. Ils sont des prédicateurs persuasifs hein, qui parlent bien et émeuvent le foule. Certains d'entre eux ont même les dons des miracles. Ils guérissent les malades, ressuscitent les morts et font des choses étonnantes. En conséquence, ils sont des prédicateurs très populaires. Alors, comment réagissent-ils à leur popularité? Deviennent-ils des serviteurs beaucoup plus humbles quand leur popularité augmente ou au contraire deviennent-ils des serviteurs et servantes orgueilleux? L'orgueil spirituel se manifeste dans la vie du faux pasteur quand à cause de ses dons et capacités spirituelles, quand à cause de sa popularité, il commence à se considérer comme supérieur par rapport aux autres. Même s'il ne les dit pas tout haut, le serviteur orgueilleux fait sentir à tous ceux qui sont autour de lui qu'il est une personne remarquable et que tout le monde devrait respecter et aduler. L'orgueil des faux serviteurs de Dieu se manifeste souvent par le fait qu'ils n'écoutent personne, mais veulent que tout le monde les écoute. L'orgueil spirituel de ces faux pasteurs et serviteurs de Dieu les pousse à se considérer comme infaillibles, c'est-à-dire, dans toutes et pour toutes choses, ils ont toujours raison. Tout le monde doit faire comme eux pensent et disent. Jamais ils n'acceptent que les autres remettent en cause leur position. Les serviteurs de Dieu orgueilleux ont aussi beaucoup de peine à reconnaître le ministère des autres. Souvent, quand ils parlent d'autres serviteurs de Dieu, ils préfèrent parler de leurs manquements ou au lieu de reconnaître aussi leurs points forts. En fait, ils se sont fait un point à minimiser les pasteurs qu'ils considèrent comme moins bénis qu'eux et dénigrent le pasteur qu'ils considèrent comme des rivaux. Le faux serviteur de Dieu veut en tout et pour tout être non seulement le premier, mais le seul à recevoir tous les honneurs. Chers frères et sœurs en Christ, il est vrai qu'il n'existe pas un seul pasteur au monde qui ne souffre de la maladie d'orgueil. L'orgueil personnel fait partie de la nature déchue de l'homme. Mais tout vrai serviteur de Dieu combat son orgueil intérieur avec toute la force de sa volonté et avec la puissance de la grâce de Dieu. Mais les faux serviteurs de Dieu, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes, les faux apôtres ne luttent pas contre leur arrogance et orgueil. Au contraire, ils luttent contre tout ce qui essaie d'attirer leur attention à cette faiblesse dans leur vie. Ainsi, tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète, tout apôtre qui est plein de lui-même et qui s'entête à le demeurer est un faux serviteur de Dieu. Les membres de l'Église doivent prendre conscience de cette situation et prendre leur distance d'un faux serviteur de Dieu, car les faux serviteurs de Dieu corrompent le peuple de Dieu. Oh que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de suivre Dr Paul Mbunga Mpendi de la mission Afrique pour Christ située à Cocody, au centre de publication évangélique CPE, Cocody, Cité des Arts, premier étage, porte 13, non loin de la radio Fréquence Vie. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au 53 71 71 81, 53 71 71 81, 49 40 64 46, 49 40 64 46, ou écrire à l'adresse électronique suivante Mission Afrique pour Christ en un mot @gmail.com, Mission Afrique pour Christ @gmail.com. C'était Oracle, une émission conçue et réalisée par la radio Fréquence Vie. Tous les pasteurs qui veulent intervenir à l'émission Oracle peuvent contacter la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse.